فما زلنا في دراسة كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقال مصنف الكتاب بعض أن ذكر اسم الكتاب وتسمية الكتاب بقوله سميته تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه وكرمه يسأل الله أن يوفقه على العمل بما قال وكتب، وهكذا يكون العالم الرباني، إنه لا يؤلف ويتكلم وهو على خلاف ما يقول ولا يعمل بما يقول، فلابد أن يكون هو أول من يعمل بما يكتب من الحق بما يقول الله، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون أو ما لا تفعلون. وقال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Donc on continue inshallah sur la lecture de l'œuvre Tajrid al-Tawhid al-Mufid de l'imam al-Miqrizi rahimahullah ta'ala. Et donc après qu'on ait lu hier dans son œuvre, après qu'on ait cité le titre du livre lui-même, il a nommé son livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Et dans les assises précédentes, on avait expliqué le sens de ce titre qu'a donné l'auteur à son œuvre, à son écrit, Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Ensuite, il a demandé qu'Allah Azza wa Jal l'aide. Il a imploré l'insistance d'Allah pour la bonne mise en application, pour la pratique de cela. Et donc, on avait expliqué cela dans la dernière assise. L'importance d'implorer Allah Azza wa Jal qui nous aide à la bonne pratique et la bonne application. Et certains savants ont dit, sur l'explication de ce passage, du fait que l'auteur aussi demande qu'Allah Azza wa Jal l'assiste et lui accorde son aide pour la bonne mise en application et pratique de cela, du fait que le savant qui écrit, qui enseigne, alors il doit agir conformément à ce qu'il écrit et ce qu'il dit. Il ne peut pas agir contrairement à ce qu'il enseigne et ce qu'il dit. Et c'est ça l'alim al-Rabbani, le savant sincère, éducateur. Lui, son souci, c'est de mettre en œuvre ce que lui-même il dit et il enseigne. Donc on voit que l'auteur ici implore Allah Azza wa Jal, implore son créateur, son seigneur, pour qu'il l'aide à pratiquer, à faire ce qu'il a écrit justement. Et donc il va écrire dans un domaine qu'on a dit très important, le domaine de l'unicité, le domaine le plus important dans notre religion, comme on verra dans ce qui va suivre. Et donc conformément aussi à la parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans un passage du Coran, dans les versets 2 et 3 de la sourate As-Saff, Allah dit « Ô vous les croyants, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ?» Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas ?« كَبُرَ مَقَتَنَ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ?» Et donc Allah Azza wa Jal nous enseigne et nous apprend ici de ne pas dire ce que nous-mêmes on ne fait pas. Et dans un autre verset, dans Sourate Al-Baqara, le verset 44, Allah dit « أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ » Est-ce que vous ordonnez aux gens al-birr, c'est-à-dire le bien, wa tansawna anfusakum, alors que vous-même vous oubliez vos propres personnes, wa antum tatluna al-kitab, et alors que vous récitez le livre, afala taqilun, ne raisonnez-vous pas? Une traduction relative du sens du verset. Donc Allah Azza wa Jal ici nous dit, est-ce que vous allez ordonner le bien aux gens alors que vous-même vous ne le pratiquez pas dans le sens? Alors que vous récitez le livre et vous oubliez vos propres personnes? Est-ce que vous raisonnez? Donc ici, l'importance, ici, que nos actions soient conformes et en cohérence avec nos propos, avec nos paroles. Et donc l'auteur ici justement invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit parmi ceux qui mettent en pratique et qui œuvrent et qui réalisent justement la bonne pratique conformément à ce qu'il écrit. Et ensuite, on avait dit que l'auteur fait la portée d'attention en disant « I'alam anna Allah subhanahu wa ta'ala » et on avait appris cela hier. Et donc, l'auteur a commencé à mentionner la seigneurie du Créateur, la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va mentionner, il va faire allusion aussi à l'unicité de l'adoration. Donc, il fait allusion, dans un premier temps, à l'unicité de la seigneurie et ensuite à l'unicité de l'adoration. L'unicité de la seigneurie, lorsqu'il va expliquer le mot Rabb, le Seigneur, Rabbul Alamin, comme c'est dans le Coran, le Seigneur de l'univers. Le terme Rabb, on le traduit par Seigneur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rabb, il est le Seigneur. Ce qui sous-entend Ar-Rububiyya, ça sous-entend donc l'attribut de la seigneurie. La seigneurie. Donc Allah Azza wa Jal est celui qui détient la seigneurie, car il est le Seigneur. Donc l'auteur ici fait allusion à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Jalla wa Ala est le Seigneur, maître absolu de l'univers. Et donc, le sens du verset, on avait dit « Rabb al-alamin » « Seigneur de l'univers » dans le sens « Rabbul alamin » « Fa'inna Rabb » est dit « est le créateur, celui qui donne existence à ses serviteurs. »« Al-qa'im bi-tarbiyatim wa israhihim » comme on l'avait lu dans la dernière assise. « Al-mutakaffil bi-salahihim min khalqin » وَرَسْقِنْ وَإِسْرَاحِدِنْ وَدُنْيَا. Ça, c'est la parole de l'auteur. Lorsque l'auteur ici nous parle de la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui garantit justement la subsistance de ses serviteurs. Il est celui qui prend en charge tout cela, leur réforme. Il est celui qui les a créés et leur a donné existence alors qu'ils n'étaient que néant. Donc, il cite des particularités de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de nous citer, de faire allusion à l'unicité dans l'adoration. Il dit ensuite, wal ilahiyya. À ce moment-là, lorsque l'auteur dit wal ilahiyya, Al-Ilahiyya, là il va faire allusion au tawhid de la divinité, de celui qui mérite l'adoration. Et là c'est pertinent que l'auteur ait d'abord cité la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il cite l'unicité de la divinité, Al-Ilahiyya. Donc tawhid al-Uluhiyya wal-Ubudiyya, de l'adoration. Du fait qu'on voit que dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran, si vous méditez le Coran, vous constatez que dans de nombreux passages du Coran, Allah nous rappelle qu'il est le créateur, unique, seul. Il a créé ce monde, cet univers, sans partenaire, sans associé. Allah a eu besoin de personne pour nous donner existence et donner existence à ce monde. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il est le Seigneur unique et qu'il a créé ce monde seul et unique pour nous mener à quelque chose parmi les raisons, pour nous mener à son adoration. Donc le tawhid ar-rububiyya, croire en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, ça doit nous mener à l'adoration de ce Seigneur. Celui qui reconnaît la seigneurie d'Allah, l'unicité de la seigneurie, c'est-à-dire lorsqu'on dit l'unicité, qu'Allah Jalla wa'ala est seul et unique à posséder les particularités de la seigneurie, qu'on peut résumer, comme on avait dit, dans Al-Khalq, Wa-Tadbir, Wa-Al-Mulk, ou le mulk, et on peut aussi mentionner ar-rasq. Le fait qu'Allah Azza wa Jal est le créateur seul et unique, avoir créé cet univers, le fait qu'il en est le souverain, le roi absolu, et le fait qu'il est celui qui régit, dans le sens, administre et gère cet univers. Et il est celui qui accorde la subsistance. Ça, ça fait partie des grandes particularités. C'est-à-dire que la seigneurie, les savants disent, tourne autour de ces particularités. On peut la résumer avec ces points-là. Sinon, elle rassemble toutes les particularités de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est très important. Parce que celui qui croit bien en cela, et qui a ferme conviction en l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie, ça doit le mener, le conduire vers l'adoration de ce Seigneur. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, parmi les raisons, nous rappelle qu'il est le Seigneur, qu'il est celui qui nous a donné existence alors qu'on n'existait pas, qui est le maître absolu de cet univers. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très pertinent parce que pour cela, l'auteur ensuite nous cite maintenant, nous fait allusion à l'unicité de la divinité. C'est-à-dire celui qui mérite al-ubudiyya, celui qui mérite l'adoration. C'est pour cela que dans la règle, il est dit التوحيد الربوبية يستلزم التوحيد الألوهية والتوحيد الألوهية يتضمن التوحيد الربوبية. L'unicité de la seigneurie, c'est une règle, implique l'unicité de l'adoration de la divinité, et l'unicité de la divinité de l'adoration sous-entend, induit l'unicité de la seigneurie. Ce qui veut dire, c'est une traduction littérale de cette règle-là très importante. Croire en la seigneurie d'Allah et en son unicité implique, rend obligatoire, donc, qu'on lui voue adoration, d'une adoration exclusive et pure. Et vouer adoration à Allah Azza wa Jal, croire en l'unicité de l'ubudiyya, de l'adoration, ça induit, sous-entend qu'on croit en sa seigneurie. Qu'on croit qu'il est le Seigneur. Quelle est la différence entre les deux formes d'unicité? Quelle est la différence entre les deux formes d'unicité? On le reverra cela puisque l'auteur va faire allusion justement dans ce qui va suivre à la différence entre les deux formes d'unicité. La différence, c'est que l'unicité de la seigneurie est liée aux actes du Créateur, aux actes du Seigneur. Tandis que l'unicité de l'adoration, Tawhid al-Uluhiyya al-Ubudiyya, est liée aux actes des serviteurs. C'est-à-dire, Allah est seul et unique à détenir les particularités de la seigneurie, c'est-à-dire à avoir créé cet univers, à gérer cet univers, à octroyer la subsistance de toutes ses créatures, subhanahu wa ta'ala, à en être le maître et souverain absolu. Il est seul et unique. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il gère cet univers. Allah a créé cet univers. Vous voyez, c'est lié aux actes, à ce qu'Allah a fait. Af'alullah, les actes d'Allah. Et Allah en est unique. Et Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire qu'il est unique. Qul huwa Allahu ahad. Qul dit Allahu ahad. Dit qu'Allah est unique. Reconnaît qu'Allah est seul et unique. Allah dit cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire. Je me réfugie auprès du Seigneur de Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je me réfugie auprès du Seigneur des hommes, dans Surat An-Nas. Dis donc, Allah Azza wa Jal dit au prophète de dire, de proclamer l'unicité d'Allah. Qul huwa Allahu ahad. Dis, Allah est unique. C'est ça l'unicité. Tawhidullah Azza wa Jal. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les différences entre l'unicité de la Seigneurie et l'unicité de l'adoration, l'unicité de la Seigneurie, c'est lié aux actes du Créateur, du Seigneur. Mais l'unicité de l'adoration, là, c'est les serviteurs qui doivent adorer de manière pure, exclusive, le Créateur. Pourquoi ? Parce qu'il est le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est lui qui mérite l'adoration. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. De bien comprendre le domaine de l'unicité de la Seigneurie. Et de bien comprendre le domaine de l'Ubudiyya. Depuis des siècles et des siècles, beaucoup de musulmans ont eu des incompréhensions dans ce domaine-là et ça a été la cause de dérives. De dérives. Et si vous lisez dans certains livres, vous allez voir des dérives, beaucoup de dérives qui touchent le domaine de la Seigneurie, qui touchent le domaine de l'Ubudiyya et qui touchent le domaine, la troisième catégorie, l'Asma wa Sifat. Depuis des siècles et des siècles, dans la communauté, on parle de musulmans, de gens qui disent « La ilaha illallah » et de gens qui proclament que Mohammed est le messager d'Allah et qui se disent musulmans et s'apparentent à l'islam et ils ont eu des convictions dans la Seigneurie d'Allah que même Quraysh n'a pas eu. Que même Quraysh n'a pas eu. Vous trouvez par exemple dans certaines tendances innovatrices, chez certains extrêmes, dans leurs livres par exemple, chez par exemple As-Sufiyya. Ils ont parmi leurs élites ce qu'ils appellent Al-Alif Billah. Al-Alif Billah, parmi certaines élites, pour eux c'est celui qui atteint la connaissance, la piété. Et dans leur livre, vous allez retrouver qu'ils proclament que Al-Alif Billah, il adore Allah ici-bas, mais lorsqu'il décède, il participe dans la gérance de ce monde. De sorte que pour eux, parmi leurs élites, ils considèrent que sur terre, il adore Allah, mais lorsqu'il mourra, ensuite, il aura une part de la gérance de cet univers. C'est-à-dire qu'il va administrer l'univers, qu'il va être une cause pour le pourvoiement, l'octroiement, le fait d'octroyer, les gens auront le pouvoirment de leur subsistance, il va être une cause pour que les gens aient leur subsistance. Tout cela, c'est des particularités de la Seigneurie, c'est-à-dire que seul Allah Azzawajal les possède. Qui est-ce qui régit cet univers? C'est Allah Azzawajal. Pourquoi l'auteur stipule cela? Parce que déjà à son époque, il y a eu des dérives chez les musulmans, on parle chez les musulmans, des dérives dans Tawhid Rububiyya. C'est pour ça qu'il proclame et il enseigne Tawhid Rububiyya. C'est pour ça que certains madhab, certaines tendances, certaines dérives, déjà à son époque, et même avant son époque, s'étaient déjà propagées. Et c'est pour ça qu'il est même pertinent de lire certains écrits de l'auteur, puisque l'auteur, comme on l'avait spécifié et stipulé dans les assises précédentes, il est spécialiste du domaine de Tariq. C'était un grand historien. Et dans un de ses écrits, dans un de ses livres, dans une de ses œuvres au sujet de l'histoire, il dit que certaines dérives déjà s'étaient propagées dans le monde musulman déjà avant même l'époque de l'Empire Abbaside. Avant Daoula al-Abbasiyya. Et à partir après de Daoula al-Abbasiyya, même certaines dérives se sont propagées ensuite. Comme le Ash'arisme, il va citer, c'est propagé à partir de Bagdad jusqu'au Maghreb, à l'époque c'était l'Afrique du Nord, et ensuite du Maghreb c'est venu en Égypte, sa terre à lui, où il naquit et où il décéda, l'auteur lui-même. Donc il retrace, il fait l'historique de différentes dérives. Et déjà à l'époque, il y avait des dérives, des mauvaises compréhensions dans Tawhid al-Rububiyya et dans Tawhid al-Uluhiyya. Si c'était le cas de son époque, sinon pourquoi l'auteur traite de ce sujet? Et il développe ici, il va développer le sujet de l'unicité, surtout de l'ubudiyya, comme vous allez voir dans l'écrit. C'est qu'à son époque, les dérives dans ce domaine-là se sont propagées et étaient présentes. On est On dit que l'auteur est mort en 845, c'est-à-dire de l'Égir. C'est-à-dire, on est en quel siècle ? On est au milieu 9e siècle. Quel est notre cas à nous dans le monde musulman alors, aujourd'hui ? Vous savez, à l'époque par exemple, ils vénéraient par exemple, beaucoup de musulmans vénéraient la tombe de l'imam Shafi'i. La tombe de l'imam Shafi'i était vénérée, était adorée. La tombe du grand imam Layth ibn Sa'd. Layth ibn Sa'd, c'était l'un des grands imams à l'époque. Il disait même qu'il était plus savant que l'imam Malik. Il aurait pu avoir même un madhab, une école de Layth ibn Sa'd. Sauf que les disciples ensuite n'ont pas propagé le ilm de l'imam comme, écoutez bien, comme ça a été fait pour l'imam Malik, pour l'imam Ahmed, pour l'imam Shafi'i. On ne dit pas qu'ils n'ont pas propagé le ilm de l'imam, mais son ilm n'a pas été propagé comme pour l'imam Malik, qui tellement le ilm a été propagé ensuite, naquit une école, une madrasa, al-madhab al-maliki. Al-madhab al-maliki. La tombe, par exemple, Layth ibn Sa'd, certains ensuite ont pris sa tombe comme lieu d'adoration, comme pour l'imam Shafi'i. Et tous deux, comme d'autres, sont innocents de cela. Mais c'est des gens qui disent « La ilaha illallah ». Que Mohammed est le messager d'Allah. Il y a même une histoire, une anecdote qui est rapportée, qu'un grand savant rapporte. Le cheikh Mohammed Aman rapporte une histoire justement. À l'époque, il y avait un professeur, un cheikh, qui était avec ses élèves, et ce jour-là, les élèves avaient un imtihan, ikhtibar. Ils avaient un examen. Et le jour de cet examen, ils étaient avec leur cheikh, et les élèves ensuite se sont rapprochés de la tombe de l'imam al-Shafi'i. Rahmatullahi alayhi, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, et lui-même est innocent de cela. Et ils se sont rapprochés de sa tombe et ils ont commencé à l'invoquer et à demander à l'imam devant sa tombe qu'il leur accorde le succès pour leur examen. Comme c'était l'habitude de ceux qui se rendaient vers sa tombe, alors ils demandaient qu'il leur accorde le succès dans leur entreprise et autres. Des choses qu'on ne peut demander qu'au Créateur. Pour ceux qui ont bien compris que le seul créateur qui détient les particularités de la seigneurie, qui est le Seigneur unique, est Allah Azza wa Jal. Donc notre croyance est vue, aura des conséquences sur nos actes, sur notre application et notre pratique. Alors, ils étaient proches de sa tombe, ils ont commencé, les élèves, les disciples, à implorer l'imam pour qu'il leur accorde la réussite et qu'ils réussissent leur examen. Et ils insistaient dans leur demande. Jusqu'à ce que le shir leur dit « c'est bon, vous pouvez arrêter là, l'imam vous a entendu. C'est bon, il a entendu vos demandes. » Ça veut dire que même le shir professait cela. Et c'est pour cela que les savants, justement, enseignent cela aux musulmans, d'une manière générale, et aux talabat al-ilm, ce domaine-là, justement, pour ne pas sombrer dans des formes de dérive. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit précédemment, certains musulmans qui disent « La ilallah » et qui proclament que Mohammed est le messager d'Allah, ils ont eu des convictions que même les Quraysh n'ont pas eues, comme on l'a dit précédemment. Par exemple, la conviction que l'alif billah, anda sufiya, que lui, lorsqu'il est vivant, il adore Allah, et lorsqu'il meurt, il régit cet univers. Il va participer dans l'octroiement de la subsistance des hommes et dans l'administration de ce monde. Même Quraysh n'a pas eu cette conviction-là. Même Quraysh savait que le créateur unique, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui gère l'univers, c'est Allah Azza wa Jal. Leur problème était dans le domaine de l'adoration et de certaines particularités de la seigneurie. Sinon, en grande majorité, pas toutes, mais en grande majorité, ils professaient, ils croyaient en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. pas entièrement, mais en grande partie. Et donc plus tard, chez beaucoup de musulmans, dans certaines contrées, dans le monde musulman, vous trouvez des musulmans, déjà c'est l'époque de l'auteur, et même avant lui. Vous trouvez des gens qui avaient qui ont des convictions, malgré qu'ils témoignent la ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah, malgré qu'ils font la prière, ils donnent la zakat, mais ils ont des convictions que même les Quraysh n'ont pas eues. Subhanallah. Et si vous lisez certains livres anciens, vous allez voir des choses, des polémiques, des réflexions, des philosophies, ajib. Vous allez vous demander, mais comment les gens en sont arrivés là? Comment ils peuvent parler sur le Créateur de cette manière? Et ils pensent adorer Allah Azzawajal en parlant sur le Créateur de cette manière, comme ceux qui ont falsifié les noms d'Allah Azzawajal et les attributs d'Allah, qui ont nié le domaine des noms et des attributs, qui ont attribué à Allah Azzawajal ce qu'on ne peut pas lui attribuer, subhanahu wa ta'ala. Et donc l'auteur, c'est pour ça qu'il fait allusion à la seigneurie d'Allah Azzawajal, très important. Il dit, ensuite lorsqu'il va faire allusion au domaine de l'adoration, « قَالَ كَوْنُ الْعِبَادِ يَتَّخِذُونَهُ سُبْحَانَ مَحْبُوبًا مَأْلُوهًا » Lorsqu'on a cru en l'unicité de la seigneurie, ensuite ce seigneur-là qui nous a créés, le serviteur veut être reconnaissant. Regardez souvent, lorsqu'il nous est rapporté que le prophète sallam était fervent dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, il est rapporté dans des récits et dans un hadith que l'une de ses épouses interrogea le prophète sallam, alors qu'Allah lui a pardonné tout ce qui est passé, ses fautes passées et futures. Allah lui a pardonné. Mais elle voyait que le prophète était fervent dans l'adoration du Créateur, malgré qu'Allah Azza wa Jal lui a tout pardonné. Et le prophète, qu'est-ce qu'il répondait? Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Une traduction relative. Reconnaissant de quoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le guide, imam al-muttaqin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, justement, nous a enseigné à reconnaître la seigneurie d'Allah, azza wa jal. Donc plus on reconnaît la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, plus on médite sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on médite sur tous les bienfaits dont on jouit, tous ces bienfaits. Vous savez, juste le fait de boire un verre d'eau. Vous savez, à l'époque, un homme était pauvre, était démuni. Et on avait déjà mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait à ses compagnons les bienfaits. Et à l'époque, il y avait, vous avez vu, dans la société à l'époque du prophète à Médine, il y avait de la pauvreté. Les gens ne trouvaient pas de quoi se rassasier. Mais pourtant, le prophète a enseigné à ses compagnons que la boisson, la nourriture faisait partie des grands ni'am, des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, un pauvre, démuni de tout, est venu voir le prophète. Ça me dit, et moi, qu'est-ce que je possède, ya Rasulallah? Alors certains possédaient des choses. Il dit, ya Rasulallah, qu'est-ce que je possède moi? Je n'ai rien. Qu'est-ce que je possède moi? Et le prophète, il lui dit, cette eau froide dont tu bois. Il l'a considéré parmi les grands bienfaits, les immenses bienfaits d'Allah. Ça veut dire que tu as quelque chose. Tu n'es pas démuni de tout. C'est une richesse. Le prophète lui a enseigné que ça, c'était une richesse. Tu n'es pas démuni de tout. C'est pour ça, dans un récit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, cette eau froide est la date. Et la date. Alors, quel est notre cas à nous, tous les bienfaits qu'on vit? C'est pour cela que, il y a des gens qui ne méditent pas sur la seigneurie. Il y en a, ils disent, التوحيد قد فهمناه. Le tawhid, on l'a compris. Beaucoup disent cela, à notre époque. C'est pour ça que lorsque on leur dit il y a un cours, on va parler de la seigneurie, de l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration, vous vont dire ah ça je connais. Alimnahu, ça je connais. Alors qu'en réalité ça on a toujours besoin de rappel. Et la preuve qu'on a besoin de rappel, sachez que des gens plus ancrés que nous dans la religion, plus connaisseurs que nous dans la religion, il y a des siècles de cela, ils disaient cela. Alors, mes cheikhs, surtout l'imam al-Mujaddid, sahib kitab al-Tawhid. Ses élèves, à force d'étudier kitab al-Tawhid avec leur cheikh, imaginez-vous, ils sont avec le cheikh. Il leur enseigne kitab al-Tawhid, l'auteur lui-même de kitab al-Tawhid. Il enseigne cela à ses élèves. Alors, ça veut dire qu'est-ce qu'on comprend ? C'est des gens qui vivent dans une époque où il n'y a pas toute cette modernité. Il n'y a pas toutes ces choses qui vont nous préoccuper de l'adoration de notre Créateur et de l'apprentissage et de la mémorisation des textes. Donc, et dites-vous, ils vivent dans la péninsule arabique, loin de la modernité, qui n'existait pas encore cette modernité d'aujourd'hui, mais encore plus éloignée de la modernité. Ils étaient sur les plateaux, ce qu'on appelle le Nejd, les plateaux de la péninsule arabique, des gens qui maîtrisaient donc la langue arabe. La religion était propagée, il y avait des ulamas. Ils ont passé du temps avec l'auteur de Kitab Tawhid. Et ils leur enseignent Kitab Tawhid. Ces gens-là qui sont ancrés dans la langue arabe, qui étaient dans la mémorisation des textes, dans l'apprentissage des textes et de la religion, l'auteur dit à ses élèves, lorsqu'ils ont dit « Yashir », parce qu'à chaque fois, il leur faisait « Tawhid ». Il rouvrait Kitab Tawhid. Il le recommençait « Yashir ». Al-Tawhid qad fahimnaha. Yashir, l'unicité, on a compris, ça y est. Il voulait étudier un peu de jurisprudence, peut-être un peu d'histoire, un peu de talir, un peu de d'autres domaines, de hadith. Et le Shir ensuite leur a fait comprendre qu'en réalité, le Tawhid ne l'avait pas compris. Et ça, ça date de siècles. Des gens ancrés dans la langue arabe, loin de toute cette modernité, loin de toutes ces préoccupations, des gens qui étaient devant un shir, un érudit savant. Quel est notre cas, nous ? On n'est pas devant des érudits savants, on n'est pas dans cette époque où on a tout notre temps pour mémoriser, on n'a pas cette maîtrise des textes et de la langue arabe. Alors qu'est-ce qu'on nous dira à nous si on dit un shir « At-tawhid qad fahimnahu » Et moi, le premier, je m'inclus. Et je vais donner des preuves que certains fruits du tawhid, eh ben, on a besoin de se les rappeler constamment. L'unicité de la Seigneur, on a besoin de s'en rappeler. Pour nos frères et nos sœurs, l'unicité de l'adoration, on a besoin de se rappeler. Et je vais donner certains exemples. N'est-on pas dans une époque où on se plaint beaucoup ? On se plaint beaucoup. Alors qu'on vient de se faire un rappel, à l'époque du prophète, Hassan, le prophète considérait parmi les grands bienfaits, Al-Ma ul-Barid, l'eau froide. C'était un, tu détiens quelque chose. Al-Tamr, pour eux des dattes, surtout si elles étaient fraîches et mielleuses, c'était un grand bienfait immense. Le prophète, Hassan, considérait cela comme des bienfaits. Et il y a un verset que le prophète leur récitait, il leur répétait, ثُمَّ لَتُسْأَلُونَ يَوْمَ إِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ. Et certes, vous serez interrogé ce jour-là des bienfaits sur les bienfaits. On sera interrogé sur tous les bienfaits. Certains savants, lorsqu'ils récitent ce verset, ils enseignent ce verset dans le tafsir, ils disent tous les bienfaits que vous possédez, vous détenez, vous vivez, sera interrogé. Même le divan moelleux sur lequel vous vous asseyez. Tout. On sera interrogé sur les bienfaits. À l'époque, c'est à l'époque du prophète Sam, l'eau était considérée comme une richesse. At-tamr, la date. Quel est notre cas, nous ? Regardez, alhamdoulilah, l'aisance qu'on a. Malgré tout, dès le matin, on se réveille, on se plaint. On est de mauvaise humeur. On se plaint toujours de ne pas avoir plus. Ça, donc c'est un manque de méditation sur la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, sur tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyé comme bienfait. On a un manque de qana'a, de suffisance. C'est pour ça que beaucoup de nos sœurs se plaignent. Beaucoup de nos frères se plaignent. On n'est souvent jamais satisfait de ce qu'on possède. Par contre, si on médite tout ce qu'on vient de citer, qu'Allah Azza wa Jal nous a tout octroyé, on médite sur notre création, puisque Allah Azza wa Jal nous dit qu'en nous-mêmes, on a des signes qu'il est le créateur. Il suffit de s'observer et nous-mêmes, on est des signes qu'Allah Azzawajal est le créateur absolu de cet univers. Et ça nous rappelle les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous mène ensuite au tawhid al-uluhiyya, le tawhid de l'adoration. Mais on voit aussi qu'au niveau adoration, on a beaucoup de négligence. On est dans une époque où on est beaucoup impacté. On est touché beaucoup, impacté par ce qui se passe autour de nous. Donc on a des négligences dans notre méditation et notre observation de toutes ces particularités de la célérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah est celui qui nous octroie tous les bienfaits, tout ce qu'on vit. Le vrai mouahid, tout ce qui vous vient, ne serait-ce qu'une petite somme d'argent. Votre salaire, vous le savez que tout provient d'Allah Azzawajal. Tout ce qu'il y a, c'est juste des causes, c'est des intermédiaires. Mais en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété. C'est pour ça que regardez ce que l'auteur va dire. Après avoir fait allusion au tawhid al-uluhiyya ou au tawhid avant al-rububiyya, regardez ce qu'il va dire. Il nous dit ensuite فَإِنَّ التَّوْحِيدْ حَقِيقَةً أَنْ تَرَى الْأُمُورَ كُلَّهَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى رَؤْيَةً تَقْطَعَ الْإِلْتِفَاتِ عَنِ الْأَسْبَابِ وَالْوَسَائِطِ. Regardez, c'est très très pertinent ce qu'il dit. Il dit, si on a compris cela, il dit, alors la réalité du tawhid, du monothéisme, si tu as compris l'unicité de la seigneurie et l'unicité de l'adoration, tu as compris le tawhid, il dit, tu verras que toutes les choses qui se produisent, elles proviennent d'Allah. Tout ce qui se produit dans cet univers, puisque tu as appris et tu crois que la seigneurie d'Allah Azzawajal, notre croyance à la seigneurie d'Allah, implique qu'on croit qu'il est celui qui régit. C'est Allah qui régit, administre cet univers. Subhanahu wa ta'ala. Alors, celui qui a compris cela, il sait qu'Allah Azzawajal est celui qui gère cet univers. Donc il se passe des choses dans cet univers. Ce qui se passe, même si on ne comprend pas ce qui se passe dans ce monde et dans cet univers, mais ça fait partie de la sagesse immense d'Allah Azzawajal. Tout ce qui se passe, Allah l'a décrété et prédestiné. De sorte que le croyant, ensuite, cette croyance-là, elle va lui procurer un apaisement, une tranquillité interne. Car il sait qu'il y a des choses, c'est plus fort que lui qu'il ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui a décrété cela. Tu ne pouvais rien faire. Et tu dois juste patienter et accepter, agréer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. C'est pour cela que c'est quelque chose de très fort. Le cœur du croyant, lorsqu'il a, il a cette croyance-là, ça l'apaise, il est tranquille et il comprend ce qu'il se passe autour de lui. Et que cet univers est régi et administré par un créateur et un seigneur. Et que tout a été prédestiné et écrit. 50 000 ans avant même la création des cieux et de la terre. Donc tu ne peux rien faire. Juste patienter et accepter ce qu'il se passe. Par contre, on ne parle pas de choses que disent les savants qui se produisent à cause de tes négligences. Ça, c'est autre chose. Tu as été négligent et cause, conséquence de cette négligence, il s'est produit telle et telle chose. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des choses qui se passent dans la vie. قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. Allah, ce qu'il a voulu, c'est produit. Regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit. Il dit donc la réalité du monothéisme, c'est de voir que tout ce qui se passe émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qu'il va dire. C'est très pertinent ensuite ce qu'il dit. De sorte que le monothéiste ne va point se focaliser ou retourner vers les causes et les intermédiaires. Vers les causes et les intermédiaires. فَلَا تَرَى الْخَيْرَ وَالشَّرَّ إِلَّا مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهَذَا الْمَقَامُ يُثْمِرُ التَّوَكُّلُ. Regardez ce qu'il dit. De sorte que le bien ou le mal, tu sais que ça a été prédestiné de la part du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et cela va être la conséquence, si tu as une bonne croyance en cela, qu'une adoration immense va s'intensifier dans ton cœur. Quelle est cette adoration ? At-tawakkul. Nous, des fois, on lit des histoires dans le Coran, l'histoire de prophètes, mais on se dit, mais comment ils ont pu atteindre tellement... L'histoire, elle est immense. On se demande, nous déjà à notre époque, est-ce qu'il y a des hommes comme ça ? Mais eux, c'était des prophètes et des messagers. Et ils ont accepté des choses de la part de leur créateur, Hajib. Regardez l'histoire d'Ibrahim avec son fils. Il était prêt à sacrifier lorsqu'il a vu cela en songe. Regardez, lorsqu'ils ont jeté Ibrahim dans le feu, le prophète Abraham, alayhi salam, comme c'est relaté dans le Coran. Il invoque Allah. Il n'a aucun doute sur le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il pose Hajar et le bébé dans cette terre aride, désertique, sans population, sans habitants, sans végétation, sans rien, et il pose son bébé et son épouse. Hajib. Et aujourd'hui, regardez, la terre sainte, la Mecque. Pourquoi ? Parce que c'est tawakkul. Ils ont une complète confiance envers leur créateur. لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة بعث محمدا الذي وعده pour terminer, regardez donc ce que nous dit l'auteur, cette parole très bénéfique et qui procure une immense tranquillité. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire donc, si on est conscient que tout émane et tout vient de notre créateur subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, on va se détourner des causes et des intermédiaires. De sorte, regardez, il y a des causes. Parfois, on reçoit des choses. Parfois, on est touché par des bienfaits. Et il y a des causes. Il y a des causes pour lesquelles on a reçu ces bienfaits. Et des intermédiaires. Sauf que nous, on ne va pas s'appuyer et se remettre à ses causes, mais on sait que ça provient de notre Créateur et ça va nous mener à le remercier. Comme aussi, lorsque on fait des choses, on veut quelque chose, on doit faire ce qu'on appelle tirad al-asbab, on doit faire les causes. Mais on sait que si ça se réalise, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, qui nous a accordé facilité. Et qui a décrété que la chose se réalise. Donc on doit faire les causes. C'est pour ça que faire confiance à notre Créateur, avoir une pleine confiance en Allah Azza wa Jal, parmi cela, il y a le fait de faire les causes. Mais l'auteur nous apprend que Adam al-iltifat ila al-asbab wal-wasa'it. Mais on va pas s'appuyer et s'en remettre aux causes, mais on va s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, les savants donnent l'exemple. Un étudiant qui veut mémoriser le Coran, qui veut mémoriser les hadiths du prophète et apprendre la religion, et il voit qu'il excelle, il est brillant. Il voit que, mashallah, il a une facilité à apprendre le Coran. Il est intelligent, il a une mémoire, mashallah, très forte et fraîche, mashallah. Eh bien, certains, s'ils oublient ça, il va commencer à se remettre, à s'appuyer sur sa mémoire, sur son intelligence. C'est les causes. Et il va oublier qu'en réalité, c'est Allah Azza wa Jal qui lui a octroyé cela et lui a facilité cela. Donc, on ne dit pas qu'il ne faille pas faire les causes. Il faut faire les causes. Une personne qui veut travailler doit chercher le travail. Tu fais les causes et Allah va te faciliter. Et si tu trouves un travail et tu es content, tu es heureux et tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » de ce qu'il m'a donné, c'est lui qui a décrété cela, alors Allah Azza wa Jal va te récompenser d'une récompense immense. Comme celui par exemple qui veut se marier, il ne va pas rester dans une pièce à attendre que ça vienne, il va faire les causes. Mais en faisant les causes, lui ne va pas s'appuyer et s'en remettre à ses causes. Il sait que c'est juste des causes. C'est ça que l'auteur veut enseigner ici. Mais que celui qui va accorder la réussite à cela, c'est son créateur subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un travail qu'il y a dans le cœur, ces adorations qu'il y a dans le cœur du croyant. Regardez ce que l'auteur dit. Il dit donc, si tu es conscient que tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on voit bien que tout est lié à notre croyance au qadr. La croyance à la prédestinée. C'est pour ça que c'est le sixième pilier de l'Iman. Et comme il est rapporté d'un compagnon, Ibn Abbas, il est rapporté qu'il disait une parole célèbre et très importante qui résume tout le domaine du tawhid. Il disait « Al-Qadr Nizam al-Tawhid ». Tout tourne autour en réalité de notre croyance en la prédestinée. Tout a été décrété de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus notre croyance est forte en cela, plus ensuite va s'intensifier cette adoration du cœur qu'on appelle At-Tawakkul. Notre pleine rémission, notre confiance en notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Regardez, c'est ce qu'il dit. وَهَذَا الْمَقَامُ يُثْمِرُ التَّوَكُّلُ. Plus on se détourne des causes, on sait que c'est des causes, on fait les causes, mais on sait que celui qui accorde réussite aux causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, عَدَمِ الْتِفَعَ الْأَسْبَبَ الْوَصَيْتِ. Plus on essaye, on s'en remet à Allah azza wa jal, plus هَذَا الْمَقَامُ يثمر التوكل. Si هذا المقام يثمر التوكل, ça fructifie en quelque sorte, notre tawakkul, notre pleine confiance en notre Créateur va s'intensifier et s'accroître, qu'est-ce qui se passe? Regardez, l'auteur dit وترك حكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله عز وجل والتسليم لحكمه. On va commencer, il dit, à moins blâmer les gens, moins blâmer les autres. On va commencer à être satisfait, se satisfaire de ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété et à se soumettre à son ordre, subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez vu beaucoup parfois de comportements, de déficiences, de manquements, de khalal fi adabina wa khuluqina, c'est lié à une manque d'observation et de pratique du tawhid, de l'unicité. Regardez, si une personne, par exemple, médite la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, tawhid al-rububiyya, et que c'est Allah Azza wa Jal qui donne tout, on sera protégé contre les formes sévères de jalousie. Pourquoi on est beaucoup touché par la jalousie? Lorsqu'on jalouse une personne, c'est qu'en réalité, on se rebelle contre le décret de notre Créateur. Si Allah a donné à un tel, il t'a privé à toi. Qui est-ce qui donne? Man il mu'ti? Allah. Man il mani'a? Allah. Comme il est dit dans le hadith, Allahumma la mani'a lima a'tayt, wa la mu'ti lima mana't. au Seigneur, il n'y aura pas de donateur à celui que tu as privé. Et personne ne peut priver à celui à qui tu as donné. Donc si une personne, Allah Azzajal, lui a ouvert les portes de la subsistance, Alhamdulillah, et que toi, Allah Azzajal, par sagesse, à toi, il t'a donné moins que ton camarade, que ton voisin, que ton frère. C'est Allah Azzajal qui a décrété cela. Donc, tu vas te préserver, te prémunir de formes de jalousie, de la hasad. Si, par exemple, on a compris, un autre exemple, on a compris qu'Allah Azzawajal aime ses serviteurs. Et donc, toi, tu aimes Allah Azzawajal. Tu aimes ton créateur. Tu peux que aimer les serviteurs du créateur. Si on trouve en nous de la haine, de l'animosité, on vient à la mosquée, on se vend, on se déteste les uns les autres, on a un problème, fil qalb. On n'a pas assez travaillé le domaine du tawhid. Puisque Allah Azzawajal est le mahboub. Ou al-mahboub, c'est celui qu'on aime plus que tout, notre créateur subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur va citer, on va terminer avec ça, après il va citer les trois piliers, arkan al-ibada. Arkan al-ibada, thalatha. Al-mahabba, wal-raja, wal-khawf. Adorer Allah avec amour, parce que c'est celui qu'on aime le plus, bal-raja, wal-khawf. Donc, si on aime Allah azzawajal, on peut que s'aimer les uns les autres. C'est pour cela, on conclut avec un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit que le jour de la rétribution, Ounas, il y aura des gens que Al-Anbiya wa Shuhada vont envier. Nabi Sassam fait le hadith et dit, fait l'offre de le hadith, Yarbituhum Al-Anbiya wa Shuhada. Des gens, ou plutôt les prophètes et des martyrs, ils vont envier une catégorie de gens. Hajib, Yom Al-Qiyama. Ils vont les envier. Vous savez, c'est qui ces gens? Ça sera des gens où le prophète sallam yaqul fil hadith lahum manabir min nur yarbituhum al-anbiya wa shuhada. Ils seront sur des chairs. Sur des chairs de lumière, ces gens-là. Ces gens-là, le jour de la rétribution, sur des chairs de lumière que les prophètes et les shuhada vont envier. Vous savez, c'est qui ces gens-là? Ceux qui s'aimaient pour Allah. Al-mahabbatu fillah. Ceux qui s'aimaient pour Allah. Pour ça, dans un hadith, le prophète sallam dit Aïn al-mutahabbina fiyya. Aïn al-mutazawirina fiyya. Pourquoi le Nabi sallam, il prenait ses compagnons et il dit Ya Mu'ad, inni la'uhibbuka fillah. Et le prophète disait que lorsqu'une personne nous dit cela, on lui dit Ahabbak Allah kama ahabbtani fi. Pourquoi? Parce que ça, c'est une grande adoration. Mais comment elle s'intensifie et elle s'accroît? Bi. اعتقادنا بتوحيد الله عز وجل الربوبية والألوهية وفي أسماء وصفاته والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك